Vous écoutez les Nuits de France Culture, la nuit que nous consacrons à André Bazin se poursuit avec vous, Hervé Joubert-Laurencin, et avec Marianne Dautret, journaliste, traductrice, éditrice à l'Institut National d'Histoire de l'Art, qui nous a rejoint. Marianne Dautret, bonsoir. Bonsoir Alban. André Bazin avait un projet de film qui n'a finalement pas abouti. Il s'agissait d'un film sur les églises romanes de la Saintonge, nous en reparlerons dans un instant, ainsi que du film que vous avez réalisé tous les deux, Bazin Roman. Avant cela, arrêtons-nous un moment sur la personnalité de Bazin. En 1949, on lui diagnostique une tuberculose qui le tiendra à l'écart pendant plus d'un an, et en 1954, il apprend qu'il est atteint d'une leucémie. Pour autant, plus productif que jamais, il continuera d'être sur tous les fronts du cinéma. Bazin semblait être animé d'une sorte de feu intérieur, d'une énergie inversement proportionnelle à sa faible santé. Qu'est-ce qui brûlait ainsi chez Bazin? Une forme de foi, même si Dieu s'en était peut-être absenté, Hervé Joubert-Laurencin? Oui, c'est une foi. Je ne sais pas, comme par ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur Pasolini, je dirais que c'est une forme de vitalité. Enfin, moi, je reconnais chez Bazin une forme de vitalité, pas vitalisme, mais vraiment une forme de vitalité très puissante qui s'entend dans l'écriture. Donc, il y a quelque chose, ça a été dit sur le style de Bazin, que c'est un style de dialogue interne en quelque sorte. C'est comme s'il dialoguait avec quelqu'un pour essayer de le convaincre. Et ça aussi, c'est une forme de vitalité. Je pense que c'était un grand discoureur. C'est quelqu'un qui pouvait discuter longtemps avec les gens à la sortie d'un film. On a beaucoup de témoignages en ce sens. Et puis, il y a une dimension orale aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parlait en public beaucoup, même s'il bégayait. Je dirais, a fortiori, s'il bégayait, au fond, ce bégaiement était toujours surmonté, et je crois que ça donnait une espèce de suspense à sa parole, qu'on attendait, on n'était jamais sûr qu'il ne se casse pas la figure, et puis finalement, il disait des choses de plus en plus intéressantes. Enfin, là encore, ce sont des témoignages qu'on a. Donc, je crois que effectivement, depuis sa jeunesse, hein, j'ai retrouvé je crois qu'il y a un témoignage du directeur de la première école normale d'instituteurs où il se trouvait, qui dit bon, alors formidable, mais doit surveiller sa santé, doit travailler un peu moins. Voilà. Donc c'est un travailleur absolument acharné. Ça se voit d'ailleurs parce que c'est un journaliste. Enfin, Marianne, c'est bien ça. Les journalistes, c'est un travail parfois absolument épuisant. Et il faut fournir son papier. Et Bazin, c'est le journaliste type aussi. Hein. C'est-à-dire celui qui est à la tâche et qui lit tout et qui est très sérieux. Donc, voit les films, lit les livres, écoute les gens et travaille à partir d'une base. Donc, il a une puissance de travail qui lui donne une vitalité énorme. Et malgré sa maladie, il y a une sorte de résilience là qui fait que. De plus en plus malade, avec des maladies de plus en plus violentes qui vont l'emporter à l'âge de 40 ans, il n'empêche que il a une vitalité énorme. Oui. Bazin, pendant des années, on peut dire que c'est un homme en sursis. Oui, vraiment. La tuberculose l'a arrêté. Ça lui a permis, comme tous ceux qui ont connu la montagne magique, hein, ceux qui ont été dans des sanatoriums, ils ont lu énormément. Il est vraiment un contemporain de Roland Barthes qui a vécu la même chose. Donc il a lu énormément pendant un an et demi pour rattraper, dit-il, toute la lecture qu'il n'avait pas pu faire les années précédentes à cause de son entrée dans le journalisme et du papier qu'on doit rendre tous les jours. Ça déjà c'est un sursis parce qu'on sait qu'on revient avec une tuberculose qui peut repartir. Et puis alors quand on lui dit que en 54, vraiment, à la fin du Festival de Cannes, 54, quand on lui dit qu'il a eu une maladie mortelle, un cancer du sang mortel, il ne devait vivre que quelques mois. Donc, effectivement, il a vécu encore 4 ans en sursis, véritablement. La vision de Bazin semble toujours globale, dans et hors du cinéma. Il y a comme une continuité, une scrupuleuse recherche de cohérence. Marianne Dautret, au-delà même du cinéma, peut-on considérer André Bazin comme l'un des critiques d'art les plus importants de son temps? Alors c'est une chose qu'un autre critique d'art très important a dite, qui est Jean-François Chevrier, qui un jour a dit « Mais enfin, André Bazin, c'est un des plus grands critiques d'art ». Alors, critique d'art, oui, parce que après tout, le cinéma est un art aussi. Les historiens de l'art l'oublient parfois. Critique d'art parce qu'il a cette technique d'analyse, de la représentation, de ce passage étrange d'une image qui devient une image de culture. Et à ce titre, oui, donc c'est un critique d'art parce que le cinéma est profondément un art. Est-ce qu'on peut dire que pour lui, le cinéma, c'est la recréation d'un monde ? Alors ça, je laisserai Hervé parler. Mais peut-être, ce qui serait aussi intéressant à penser, et peut-être que là, Bazin parle comme critique d'art, mais parle également comme historien de l'art. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchit sur le médium qu'est le cinéma, sur le médium qu'est d'abord la photographie, ensuite sur le médium qu'est le cinéma, et qui réfléchit aussi en termes historiques. Et ça, c'est très très frappant en fait. C'est un critique qui écrit tous les jours et après chaque film, mais c'est un critique qui se relie. Et c'est un critique qui mesure à chaque fois le temps parcouru, qui mesure à chaque fois les pas effectués. Et donc c'est aussi, en quelque sorte, un critique qui est un historien. Alors, quant à savoir la vision de... Je laisse le spécialiste. Bon, non mais on peut parler de son rapport au monde aussi. Malgré la mythologie de Bazin, qui est considérée très longtemps dans les années 60-70 comme un idéaliste, en réalité, pas du tout. C'est quelqu'un qui s'intéresse au contexte socio-historique. C'est vraiment dans tous ses articles. Il ne peut pas parler d'un film sans parler de la réalité sociale. Et c'est ce qui l'intéresse le plus. On a un titre, par exemple, d'article qui dit « Tout film est un documentaire social ». Voilà, c'est une des affirmations de Bazin. « Tout film est un documentaire social ». Donc Bazin, c'est quelqu'un qui s'intéresse au moment historique et à la condition des hommes qui sont filmés, et le cinéma est une fenêtre ouverte sur le monde, parce que là encore, c'est dans la mythologie connue de Bazin. On en attribue à Bazin cette phrase qu'il a bien écrite, effectivement, mais c'est encore mieux que ça, au fond, avec les écrits complets. Cette idée de fenêtre ouverte sur le monde, c'est-à-dire l'écran de cinéma sera une fenêtre ouverte sur le monde, on le dit beaucoup à son époque, hein, c'est pas le seul à l'écrire, c'est dans un livre d'éducation populaire, justement, auquel il participe, qu'on a un chapitre qui s'appelle comme ça. Donc, c'est une idée vraiment militante du fait que le cinéma est un art particulièrement lié au peuple, particulièrement lié à la réalité sociale. Et ça, c'est une des premières choses aussi que Bazin écrit vraiment au tout début de sa carrière et dans sa jeunesse. Il veut étudier le cinéma pour cette raison, parce que c'est un art encore populaire qui n'est pas seulement un art de l'élite. Et voilà. Donc je disais fenêtre ouverte sur le monde. En réalité, quand on dispose maintenant de l'ensemble de tout ce qu'il a écrit, on s'aperçoit qu'il a utilisé cette métaphore de la fenêtre plus de 10 fois. Et chaque fois dans un sens relativement différent, donc c'est assez intéressant. Mais cette idée de rapport avec le monde passe par exemple par cette phrase de fenêtre ouverte sur le monde. Ouais. Donc effectivement, le cinéma est pour lui un art particulièrement ouvert sur la réalité sociale, la réalité historique, la réalité politique, la réalité du monde, c'est certain. Tout le monde décrit Bazin comme quelqu'un d'une extrême disponibilité aux autres, d'une parole pleine d'autorité, mais également d'une capacité d'écoute et de compréhension de l'autre peu commune. Bazin Saint-Homme, Bazin Saint-Onge, en 1958, en dépit de sa maladie, Bazin a un projet de film autour des églises romanes de la Saint-Onge, un film qu'aurait dû produire Pierre Brandberger. Pourquoi ce projet tardif dans sa vie ? Pourquoi chez lui cette volonté de tourner alors qu'il s'était tenu jusque-là du côté du spectateur de cinéma ? Marianne Dautray. Alors, on peut faire le pari d'un hasard quand même, non ? D'un hasard de la vie, de rencontre. Peut-être on peut imaginer un dîner où Pierre Brandberger lui dit « Bah tiens, si tu faisais ce film sur les églises de Saint-Onge, pourquoi pas ? Non ?» Ah oui, comme nous, on fait un repas et on dit « Tiens, Christophe Goujon, tu voudrais pas être notre producteur et on ferait un film tous les deux ?» Parce que ça fait partie aussi de notre film, c'est-à-dire que... Notre film Bazin-Roman, au fond, on s'est aperçu au bout d'un moment que on était dans la situation de Bazin. Bazin n'avait jamais fait de film, Bazin écrivait sur le cinéma, nous aussi, c'est notre premier film, ça aurait été son premier film. Donc il y a quelque chose qui nous a plu dans cette homologie là. Et effectivement, c'est un peu le fait du hasard. Nous aussi, on est déjà très vieux pour faire du cinéma, mais ça nous a beaucoup beaucoup plu quoi. Et quel était le projet de film de Bazin en Saint-Onge ? Alors, Saint-Onge, cette région de Charente-Maritime, hein, voilà. Donc peut-être faut préciser que c'est aussi pour Bazin une région d'enfance en fait. Donc il revient sur les lieux de sa jeunesse. Moi, je pense qu'il y a son moment d'élève instituteur qui fait qu'il était au moment où il s'intéressait à tout, à toutes les sciences et notamment l'archéologie médiévale. Et alors, je pense que là, il a pris son vélo. Enfin, ça paraît assez évident. Et il a été visiter toutes ces petites églises par une espèce de volonté de connaissance, de soif de connaissance. Et on peut tout à fait imaginer ça parce que il réagit immédiatement quand on lui propose de faire un court-métrage. Il a déjà des idées très très précises. Et on le voit dans la note d'intention qui nous est arrivée. Il a des idées très précises sur le nombre d'églises, sur le nombre énorme d'églises dans deux départements seulement, près de 500 ou plus de 500. Et en plus, il a une idée très très claire, c'est-à-dire qu'il ne veut pas s'intéresser aux cathédrales, et il choisit cette région, ou cette région l'a choisi, par hasard peut-être, parce que il y a une forme d'humilité dans ces petites églises de village. Non, ce sont pas des chapelles, ce sont vraiment des églises, mais c'est des petites églises de village. Certaines sont en ruine, d'autres sont encore là, mais il n'y a pas de monumentalisme. Et il veut, et voilà ce qui l'intéresse. Parce qu'au fond, vous disiez Saint-Homme, Saint-Onge, hein, mais nous, on n'a pas du tout perçu ça, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas du tout le côté, encore une fois, hein, c'est peut-être un peu mon obsession, je sais pas, je veux absolument laïciser Bazin, c'est tout à fait possible, mais il n'empêche que, quand on lit ses notes d'intention, on voit que ce qui l'intéresse est là encore quelque chose de social, une sorte de géographie humaine, de relation des hommes et des paysans avec les pierres, beaucoup plus que de l'archéologie médiévale comme un scientifique, comme un historien de l'art, ou bien comme un chrétien, un mystique qui rechercherait la foi du Moyen-Âge plus forte, la robe sans couture, la robe blanche, la blanche robe d'église de l'an 1000. C'est pas ça qu'il recherche, manifestement. Il ne veut, enfin, d'après ce qu'on a compris, il ne voulait pas faire un film qui glorifiait les églises en tant que lieu sacré, ni, évidemment pas pour les désacraliser non plus, hein, mais ce n'est pas le sujet du film a priori, ni même le détail des sculptures dans une vue d'histoire de l'art. Mais plutôt, de façon assez surprenante, comme comment est-ce que les hommes vivent avec les églises, voilà, dans la campagne. Alors, peut-être quand même, l'intégrale Bazin sort sous forme de texte et Bazin nous ressort sous forme de texte. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aussi qu'on sait peu de choses hormis ces textes. Et quand il y a peu d'images de Bazin. Il y a peu d'images de Bazin et il y a peu d'archives personnelles, en fait, pour l'instant. Hein, sans doute on en découvrira avec le temps et peut-être pas, je sais pas. En tout cas, nous, quand on s'est posé la question de ce film, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment très très peu de choses. Et quand on a commencé, on n'avait quasiment rien, sauf un texte dont on ne connaît pas exactement le statut, qui était le texte paru un an après sa mort dans les cahiers du cinéma, je crois que c'est le numéro 100, et qui présentait ce que explique très bien Hervé, donc un état de connaissance de la région, en fait, qui délimitait le sujet du film. Alors, qu'est-ce qu'était ce texte ? Certainement pas un scénario. Il a même, par certains aspects, des notes un peu de traités touristiques où il dit que nulle part mieux qu'en Saint-Onge, etc., etc. Donc on se disait, c'est sans doute une note d'intention, c'est sans doute une note peut-être pour avoir de l'argent. On ne sait absolument pas. Ce Bazin disparaît derrière ces textes et tout à coup on aurait pu croire que le scénario était là. Alors, on a eu de la chance, parce qu'en fait, nous, on avait commencé le film parfaitement indépendamment de l'édition du livre. Mais l'édition du livre a quand même fait émerger quelques archives. Et c'est la femme du fils de Bazin qui, tout à coup, s'est souvenue qu'il y avait quelque part une valise, dont elle ignorait à peu près le contenu, je crois bien, qui avait été donnée à des amis et qui, sans doute... recelait des archives concernant le film. Et donc elle a récupéré cette valise, et qu'est-ce qu'on a découvert dans cette valise ? Une chose totalement incroyable, c'est-à-dire à peu près 300 photos de repérage et des carnets qui indiquaient pas grand-chose, mais qui indiquaient les lieux par lesquels il était passé et les dates. Et les dates. Parce qu'au fond, voilà. On ne savait rien avant. Et effectivement, on était parti sur cette idée, on ne sait rien, donc c'est intéressant. On peut faire un film en rêvant sur ce film qui n'existe pas de Bazin. Et puis juste avant, on découvre tout ça grâce à l'avancée des éditions. Mais je trouve ça très beau, en fait, la mémoire des gens qui disparaît dans l'immédiateté après leur mort, en fait, et qui est peu à peu redécouverte bien après, quoi. Donc il faut du temps pour se souvenir des gens. Et dans ce film, il y a cette idée de ruine morte et de ruine vivante que l'on trouve chez Benjamin Perret, cette idée de frontière entre le mort et le vivant, Marianne Dautray. Alors, frontière ou pas, justement, en fait. Alors, c'est l'autre chose qu'on découvre dans ces archives, c'est une toute petite, un petit schéma, en fait, qui est qu'une flèche, et qu'on montre d'ailleurs dans le film, et qui passe effectivement des ruines mortes aux ruines vivantes. Alors, oui, on avait interrogé Alain Schnapp qui citait Benjamin Perret. Et pour Benjamin Perret, c'est très clair. Il y a des gens qui détruisent l'histoire, il y a des gens qui détruisent le passé et qui, se faisant, détruisent aussi le présent. Et habiter le passé, c'est aussi habiter le présent. Et donc, Benjamin Perret fait cette distinction entre ceux qui créent des ruines mortes et ceux qui créent et qui refont vivre les ruines. Et chez Bazin, c'est sans doute un peu plus subtil, un peu plus complexe. C'est-à-dire que les ruines vivent malgré tout. On va dire qu'il y a presque une vie de la mort chez Bazin. Et les ruines vivent parce que on habite les ruines, mais les ruines vivent parce que la nature les habite, parce que la nature les déforme, parce que la nature les reconfigure totalement. Et ça, c'est une des idées très très belles qu'on trouve dans le... Enfin, alors là, cette fois, dans ce texte publié dans les Cahiers du cinéma, c'est-à-dire que la nature resculpte en fait le travail de l'homme. Donc c'est soit le vent chargé d'eau marine qui resculpte, qui creuse, qui sillonne les façades, qui défigure les statues, soit c'est les arbres et la végétation, et il parle d'un petit encore qui est effectivement une église où les racines ont parfaitement détruit et ou en tout cas reconfiguré complètement les murs de l'église. Dans votre film, on entend « Comme il meurt, il veut faire un film ». Que signifie ce « comme » puisqu'il meurt, au moment où il meurt ou de la manière dont il meurt ? Hervé Joubert-Laurencin. C'est vous la spectatrice, donc vous avez donné les trois possibilités. Et finalement, ce n'était pas la peine de choisir. Comme je pense que les trois sont possibles. D'abord, c'est temporel, puisque au fond, ce qu'on a découvert in extremis... avant un tournage, c'est avant notre premier tournage, hein, je crois. C'était avant le premier tournage, oui. Même si on avait décidé d'aller filmer les églises sans scénario, sans rien savoir, pour commencer et de décider avec les images telles qu'elles étaient aujourd'hui. Hein. On s'est aperçu que, du coup, le travail est devenu une confrontation avec les images de Bazin lui-même. Et ça a pris de plus en plus d'importance dans le film, puisqu'on s'est aperçu vraiment au moment du montage que les images de Bazin étaient merveilleuses et qu'elles avaient une vie formidable, une vie dans la mort là aussi. Moi, je pense que Bazin est baroque, donc il y a de la vie dans la mort. Comme c'est pour ça aussi qu'il était proche de Cocteau, qu'il a travaillé avec Cocteau, qui disait le cinéma c'est la mort au travail. Bon, tout ça, ce sont des visions assez baroques au fond. Et je crois que Bazin est baroque et qu'on le sent aussi dans son écriture. Et voilà. Et donc, ce qu'on a découvert de façon totalement factuelle, c'est que ce film dont on ne savait rien, dont on savait vaguement qu'il devait être un projet des années 50, en fait, on a su très précisément qu'il était de 1958. C'est-à-dire que Bazin a fait deux repérages l'année de sa mort, quelques mois avant sa mort. Ensuite, on a d'autres éléments qui sont l'autorisation de tournage, etc., qui nous disent que très précisément, tout était prêt pour tourner au moment où Bazin est mort. Donc, il y a vraiment une coïncidence qui n'est pas neutre, qui quand on fait un film comme ça sur ce sujet devient fondamental. C'est-à-dire que effectivement, comme il meurt, Bazin meurt, et en tout cas, on pourrait dire mettre les deux à côté. Bazin meurt et Bazin veut faire un film, et les deux événements se trouvent côte à côte. C'est donc pas sans incidence sur l'idée peut-être que Bazin se faisait du cinéma. Ou que Cocteau se faisait du cinéma, ou disait du cinéma. Et c'est aussi par là que quelque chose a parlé pour nous. De quoi s'agissait-il d'ailleurs pour vous en faisant ce film, Marianne Dautrey ? Il y a eu plusieurs temps, en fait. Une histoire, oui. Il y a vraiment une histoire. Il y a eu effectivement ce moment qui a vraiment précédé la possibilité même d'une édition des textes, qui était une relecture du texte de Bazin, et un pari qu'on a fait tous les deux en disant, ce texte de Bazin qui parle des églises comme, en fait, d'un habitacle. Les gens habitent les églises, les gens vivent avec les églises, mais là, effectivement, Hervé l'a rappelé, il ne s'agit pas forcément de sacré, ou ce qui est sacré, c'est la vie. Et tous les deux, on s'est dit, mais c'est extraordinaire, et ça, on fait le pari que ça a forcément disparu. Que là, on prend vraiment la mesure du temps qui nous sépare de Bazin. Et c'est, en fait, notre première idée a été celle-là. Peut-être un peu politique, en fait, de notre rapport au monument, de notre rapport au monde, de notre rapport à notre environnement et du rapport au passé, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une restauration des églises partout. Alors, c'est d'actualité, de fait, hein, mais vraiment, ce qui a changé par rapport à ce que raconte Bazin, c'est précisément ça. Et en effet, quand on est revenu sur les lieux, puisqu'on a suivi, après on a connu le parcours de Bazin, on a suivi son parcours, et on est revenu sur les lieux, et ces églises abandonnées, qui étaient ces églises qui étaient devenues des fermes, donc elles étaient plus qu'habitées, elles étaient rendues utiles, elles étaient transfigurées pour... Donc on avait ouvert la façade pour faire dégorger le foin de la grange, on avait tiré des fils pour faire sécher les haricots, on avait etc, etc. On avait et on a les photos donc qu'il a prises. Donc ces églises, cette abbaye est devenue un centre culturel parfaitement figé dans sa ruine, décoré avec des nouveaux vitraux contemporains, et elle fait l'objet de visites avec une petite boutique où on vend les produits locaux. Voilà. Donc il n'est plus du tout question de ferme, il n'est plus du tout question de vie, et tout est parfaitement figé, et cette fois très mort. C'est une autre vie, une autre forme de vie. Hervé Joubert-Laurencin, vous écrivez que les années 1958-1998 ont été peu propices à Bazin. En quoi ne l'étaient-elles pas ? On l'a publié quand même pendant un temps, et notamment jusqu'à la mort de Truffaut. Truffaut est le principal éditeur posthume de Bazin, parce que Bazin, il devait beaucoup à Bazin et il lui a très bien rendu. Donc il y a tout de même régulièrement des livres qui ont été faits et on a redécouvert un peu plus de Bazin. Non, je le disais tout à l'heure dans l'autre partie de l'émission, c'est que ce sont des époques, enfin 98 c'est peut-être loin quand même, hein, mais en tout cas après 58, dès après la mort de Bazin, on est entré dans un nouveau moment de relation théorique au cinéma, et s'est institué petit à petit, d'ailleurs, la possibilité d'étudier le cinéma académiquement, de l'étudier au cinéma, ce qui fait que moi je suis professeur à l'université, c'est possible, alors que c'était pas possible à l'époque de Bazin, donc c'est une chose extrêmement positive, extrêmement importante. Ça aussi, on a vu aussi la fin des ciné-clubs progressives. Donc il y a une culture qui s'est, la culture de l'éducation populaire s'est muée en autre chose. Il y a eu des métamorphoses croisées et Bazin n'en a pas bénéficié parce que Bazin a été pris comme un repoussoir des nouvelles formes de pensée. Mais Bazin est resté extrêmement connu. Extrêmement connu partout, néanmoins. Et sur quoi a-t-il été principalement discuté, attaqué, contredit ? Est-ce qu'il a été particulièrement attaqué sur le fond chrétien de sa personne ? Non, ça c'est vraiment de son vivant, je dirais. Ou alors tout de suite après sa mort, ça entre par exemple dans la querelle très française, très franco-française, cahier du cinéma contre-positif. Donc il y a eu... des articles, je trouve, d'assez mauvaise foi contre Bazin, en le prenant comme représentatif de tout ce qui s'écrivait sur le cinéma du côté des chrétiens plus ou moins moralistes. Or, Bazin, pour moi, n'est pas du tout représentatif. Il y a effectivement des idéologies assez moralistes à cette époque-là. Et Bazin a été pris pour cible, surtout après sa mort d'ailleurs. C'était plus facile quand il était mort. Mais voilà. Donc, c'est pas tout à fait cet aspect-là. Il a été attaqué plus tard comme... comme quelqu'un qui serait un idéaliste contre une pensée matérialiste du cinéma, et on voudrait l'opposer aux cinéastes montagistes comme Eisenstein ou Vertov, ce qui est à la fois logique et absurde. C'est logique si on veut trouver absolument le contraire d'une pensée montagiste, mais en même temps, quand Bazin refuse le montage provisoirement, ça n'est pas une pensée spécialement. Donc on en fait une pensée parce que ça devient une pensée repoussoire. Et ça, c'est un problème, par exemple. Le rapport de Bazin au montage est un tout petit peu plus complexe. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui a amené une réflexion sur le montage très approfondie. C'est pas vraiment son problème. Il est intéressant sur d'autres points. Mais en même temps, de dire que c'était une pensée anti-montagiste est un abus complet. On s'en aperçoit aujourd'hui. Bon, il y a quelques mythologies comme ça. Je ne crois pas du tout que notre film ait voulu parler de ça, par exemple. C'est vraiment une chose... je crois qu'à la fin, le film est devenu... c'est recentré sur Bazin. Mais alors, vraiment pas dans cette histoire de... est-ce la bonne idée sur lui? Est-ce la mauvaise idée? Y a-t-il une mythologie basinienne? Ça, c'est des choses qu'on n'a pas du tout traitées dans le film, parce qu'au fond, on s'en aperçoit après coup, parce que on le sait maintenant un peu avec un peu de recul. Au fond, on s'est approché plus personnellement, je crois, de l'homme Bazin, quoi, de la personnalité de Bazin, à travers une forme de pensée, de relation au monde, de relation au cinéma, à l'art et au monde. Chris Marker disait que Bazin avait un esprit très précisément et intelligemment politique. Alors ça, c'est une parole qu'on a mise dans le film avec bonheur. parce que c'est assez remarquable, et ça va effectivement à l'encontre d'une forme de réception basinienne où on considère qu'il est obligatoirement apolitique, ou que c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la politique, ce qui est évidemment... vrai et faux, mais surtout faux. Vrai dans le sens où il n'a jamais voulu être militant ni s'associer à un parti. Et faux parce que tout ce qu'il dit s'intéresse à la vie sociale, à la vie historique, et donc tout est politique. Bazin fait partie des gens, je crois, qui pensent que tout est politique, pour simplifier. Donc Marker a raison de ce côté-là. Marianne Dautret. Mais il avait peut-être aussi l'idée d'une politique du cinéma. En réalité, puisque le cinéma était aussi un véhicule, non pas pour passer des idées, mais pour faire réfléchir les gens, pour établir un échange, en fait, une circulation des paroles, des pensées. Oui, le cinéma comme moyen, élément d'une démocratie directe. Absolument. Alors, tu parles d'éducation aussi. Mmh. Il y a bien sûr un nom qui revient quand on évoque Bazin, c'est celui de Serge Danet. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Hervé Joubert-Laurencin. On peut très vite identifier des points communs dans les trajectoires de ces deux figures majeures de la critique, ne serait-ce que l'écriture dans un journal quotidien, le regard sur la télévision à partir d'une expérience vécue avec le cinéma. Mais si l'on regarde au-delà de ça, ce que vous faites dans Le Sommeil paradoxal, un livre que vous avez consacré à Bazin, en quoi Danet est-il ou n'est-il pas basinien? En quoi est-il, comme il s'est revendiqué lui-même, un héritier de Bazin? C'est un sujet complexe. et dans les ressemblances, je viens d'en découvrir une il y a 3 jours, parce que un membre de la famille très proche, enfin la personne la plus proche dans sa famille de Danet, m'a dit l'autre jour qu'il était tuberculeux, qu'il était revenu d'un voyage en Inde avec la tuberculose et qu'il avait passé un an comme ça en sanatorium, ce que j'ignorais absolument. Et c'est une relation directe avec la vie de Bazin. Voilà, bon, j'avais bien vu qu'ils étaient deux corps malades, puisque Danet est mort des suites du sida, donc complètement différentes en même temps, mais ce moment de sanatorium les rapproche encore. Alors évidemment, ça c'est complètement anecdotique. Sur le fond, c'est difficile à dire, ils ont été tous les deux rédacteurs en chef des Cahiers du cinéma. Là, c'est vraiment très objectif. Donc Danet se met dans une suite, et comme toujours au Cahiers du cinéma, Bazin compte comme une sorte de de matrice de pensée, y compris cette matrice du réalisme, qui est une chose à ne pas oublier, réalisme fondamental. Donc pour Danet, c'était aussi tout à fait important. Après, on peut dire qu'il y a différentes périodes, hein, puisque la période gauchiste des Cahiers du cinéma, c'est justement le moment où il faut trouver un repoussoir pour discuter, et y compris pour Danet, Bazin est un repoussoir pour essayer de dire voici la forme idéaliste d'où nous provenons et que nous devons dépasser. Et ça a duré mais très peu de temps chez Danet. À la fin des années 70. Et puis après, très vite, il a réécrit des livres dans lesquels on a ressenti qu'il reparlait de Bazin de façon très très précise et assez profonde. Et il en dit de plus en plus de choses importantes, et on s'aperçoit qu'il y a effectivement des points de reprise, en quelque sorte, hein, reprise de ses idées. Mais évidemment, la pensée de Danet est complètement différente aussi, parce que, je les compare surtout sur la position intellectuelle qu'ils affirment tous les deux, qui est très rare au fond. Au fond, on s'aperçoit que il y a peu de critiques de cinéma qui peuvent avoir une forme intellectuelle, enfin une position intellectuelle au milieu du monde intellectuel qui ait autant d'importance. À partir d'un journal, pour Danet, ça a été Libération. Pour Bazin, c'était les Cahiers du cinéma, mais c'était aussi le fait qu'on le connaissait par le quotidien du Parisien libéré et encore d'autres endroits. Et puis Radio Cinéma Télévision aussi, c'est-à-dire l'ancêtre de Télérama, qui était aussi une sorte de quotidienneté. Esprit aussi. Alors Esprit. les grands textes, très longs textes d'Esprit. Voilà. Et Danet, c'est pareil. C'est d'un côté les Cahiers du cinéma, mais de l'autre côté Libération quotidiennement. Donc je me rappelle très bien, moi, du vivant de Danet, comment les gens achetaient Libération spécialement pour lire Danet, et ce qui voulait dire que une critique de cinéma était ce qu'il y avait de plus important dans les nouvelles d'un journal un jour donné. Et ça revient à cette question de est-ce que le cinéma a un rapport avec le monde, ou est-ce que c'est un... Enfin, quel est son rapport avec le monde? Je crois que c'est là que ça se situe. C'est-à-dire que tous les deux, avec des conceptions, des époques et des conceptions très différentes, au fond, sont extrêmement inventifs, et inventifs avec ce qui tombe des films. Et avec ça, ils construisent une forme de pensée intellectuelle qui est une véritable position à l'intérieur d'un monde intellectuel. Voilà, ça c'est vraiment ce qui les rassemble objectivement, malgré la différence historique. Que doit aujourd'hui à André Bazin quelqu'un qui, comme vous, Hervé Joubert-Laurencin, a pour profession de réfléchir le cinéma? Ah, alors ça... En quelques mots. Oui, bien sûr. Non, en quelques mots, oui. Bazin a toujours été une référence obligatoire pour les professeurs de cinéma, mais en partie en mauvaise part. C'est-à-dire que les professeurs de cinéma sont aussi responsables, avec les critiques, de simplification. C'est-à-dire qu'on retient un résumé simplifié de Bazin qui finit par être complètement faux au regard de tel ou tel texte qu'on découvre aujourd'hui. Bon, donc il faut rester humble de ce côté-là, mais ça a toujours été une référence importante, et je crois qu'elle a été une référence importante depuis le début jusqu'à aujourd'hui, pour une raison simple, c'est que ses idées sont extrêmement profondes, extrêmement bien écrite, et c'est une espèce de savant génial, hein. Donc il y a quelque chose qui est perceptible immédiatement dans un article de Bazin et dans des ensembles d'articles ou dans des livres. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne le prenne pas au sérieux. Ça c'est la chose fondamentale. Alors après, c'est compliqué, parce que l'académisme universitaire fait que ce n'est pas si facile d'utiliser des pensées de quelqu'un qui n'écrivait pas de livres, qui n'était pas un théoricien avéré et qui n'était pas un professeur. Donc il y a vraiment là beaucoup d'ambiguïté. Et alors personnellement, moi je suis absolument pour reprendre en considération tout ce qui nous a été légué. Et ce qui nous a été légué par des voies complexes. Donc il faut faire un effort, il faut faire un travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre directement Bazin comme on prend un livre aujourd'hui qui théorise sur le cinéma en disant « ceci est une théorie ». On est obligé de lire, on est obligé de comparer des choses, parfois contradictoires, et de les mettre ensemble, et de faire un premier un premier travail pour ensuite en déduire des pensées qui sont encore valables aujourd'hui et comparables à d'autres théories. Mais cette relecture, on est quand même plusieurs chercheurs à être engagés sur cette relecture des écrits de cinéma, qui aujourd'hui, moi, me paraît... il me semble que c'est le moment. Voilà, il me semble que dans la théorie du cinéma et dans la pensée universitaire du cinéma, c'est le moment où on a dépassé le fait que nous sommes plus forts que les critiques. Et nous sommes obligés de relire les critiques à condition de faire un effort pour en tirer quelque chose qui nous intéresse encore aujourd'hui. Marianne Dautray, avant de tourner Bazin Roman, quelles connaissances aviez-vous de Bazin ? Oh, ça s'est fait en plusieurs temps. Ça s'est fait toute jeune, mais je l'ai déjà raconté, je crois. Jeune, je commençais mes études, en quelque sorte. Je connaissais pas du tout Hervé Joubert-Laurencin et je m'intéressais au cinéma, vraiment. Et sur une table de librairie, j'ai ouvert Qu'est-ce que le cinéma ? Et je suis tombée sur son texte sur Monsieur Hulot, sur Tati, qui est un texte extrêmement beau. Et en fait, voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet auteur ? Qu'est-ce que c'est que cette écriture ? Parce que c'est aussi vraiment une écriture Bazin, et c'est une écriture parfaitement... didactique, on l'a dit avec une force rhétorique incroyable, mais c'est aussi une écriture poétique. Et voilà, donc c'est ce qui m'a frappée et j'ai commencé à lire comme ça. Je vais continuer à m'intéresser au cinéma, j'ai continué à lire, mais très ponctuellement. J'ai jamais fait le travail d'Hervé, j'ai jamais voulu le faire non plus. Il m'a servi, en fait. Ça a été quelqu'un où je me dis, poser une question et je me disais, tiens, est-ce qu'il en a parlé ? Et j'allais chercher, et soit je trouvais pas, et je trouvais pas beaucoup, parce qu'il y avait effectivement quand même très peu de choses de disponibles. Et qu'est-ce que ce film vous a appris de lui ? Ah, c'est compliqué, on fait faire un film est tellement quelque chose où on triture les choses, en fait, et où on... Je crois qu'on se sert... En fait, de la personne. On se sert de ce qu'il écrit. Alors, je vous donne un exemple. Bazin a écrit sur le vieillissement, et notamment sur le vieillissement de Chaplin. Et on s'en est servi aussi sur le vieillissement des églises. Donc, il y a eu la peau de Chaplin et la peau des murs des églises. Voilà. Donc là, les textes de Bazin deviennent une matière aussi. Ils sont plus exactement un véhicule de contenu, encore qu'ils le soient parfaitement, mais ils sont aussi une matière. Et ils sont aussi une matière plastique. Et ils sont, de fait, dans l'écriture, plein d'évocations de matière plastique. Ils aident à voir au-delà du cinéma. Ils aident à voir au-delà du cinéma, oui, parfaitement. Marianne Dautray, Hervé Joubert-Laurencin, merci. Nous nous retrouverons dans un peu plus de 2h30, juste avant la fin de cette nuit consacrée à André Bazin, après avoir écouté le second profil perdu que Jean-Pierre Pagliano consacrait à André Bazin en 1988. Faut-il renouveler l'art ? Une tribune de Paris proposée par Georges-Emmanuel Clancy en 1948 sur la chaîne nationale. Jean Narboni à propos de la biographie d'André Bazin par Dudley Andrew dans le cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe en 1983. Et enfin, le film sur l'art, Trahit-il l'art ? Une tribune de Paris proposé par Émile Dana en 1952 sur la chaîne nationale. La nuit, André Bazin se poursuit sur France Culture.